Moi, je pense qu'un cycliste mérite mieux qu'un rack à vélo ou qu'un poteau de téléphone ou qu'une vieille clôture. Parce que, il y a 20 ans, les vélos, ça coûtait 150$ le prix moyen. 150$, tu avais un pas pire vélo. Bien là, la commercialisation des nouveaux vélos, les nouvelles façons de faire, les vélos ont augmenté en qualité, ont augmenté en prix. Okay. Puis les gens s'achètent des vélos plus durables. C'est un système qui est moins dur sur le vélo. Le vélo ne touche jamais une composante métallique parce qu'il est pris en serre entre des livres de caoutchouc. Puis quand tu te stationnes dans une unité vélo-voûte, tu as la même qualité de stationnement qu'en auto, c'est-à-dire tu peux ranger tous tes effets personnels, puis avoir les mains libres, puis tu peux aller magasiner, marcher dans le parc, aller manger, faire plein d'activités. Pourquoi Québec? Québec, c'est très pro-vélo en ce moment. Puis il y a une équipe très dynamique à la quête de l'innovation pour satisfaire les cyclistes. Ça, c'est de ça qu'on s'est rendu compte avec l'équipe avec qui on travaille. C'est pas comme ça à Saguenay? Je veux pas dire que c'est pas comme ça à Saguenay, mais il y a des choses qui c'est préférable de faire ailleurs pour le moment.